Chapitre 13e, 4 octobre. Monsieur Lobépin était enfin arrivé hier dans la soirée. Il vint me serrer la main. Il était préoccupé, brusque et mécontent. Il me parla brièvement du mariage qui se préparait. « Opération fort heureuse, dit-il. Combinaison fort louable à tous égards. Où la nature et la société trouvent à la fois les garanties qu'ils ont droit d'exiger en pareille occurrence. Sur quoi, jeune homme, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vais m'occuper de déblayer le terrain délicat des conventions préliminaires, afin que le char de cet hymen intéressant arrive au but sans chaos. » On se réunissait dans le salon aujourd'hui à 1 heure de l'après-midi, au milieu de l'appareil et du concours accoutumé, pour procéder à la signature du contrat. Je ne pouvais assister à cette fête, et j'ai béni ma blessure qui m'en épargnait le supplice. J'écrivais à ma petite Hélène, à qui je m'efforce plus que jamais de vouer mon âme tout entière, quand vers 3 heures, Monsieur Lobépin et Mademoiselle de Port-Rouet sont entrés dans ma chambre. Monsieur Lobépin, dans ses fréquents voyages à La Roque, ne pouvait manquer d'apprécier les vertus de ma vénérable amie. Et il s'est formé dès longtemps entre ces deux vieillards un attachement platonique et respectueux dont le docteur Desmarets s'évertue vainement à dénaturer le caractère. Après un échange de cérémonies, de saluts et de révérences interminables, ils ont pris les sièges que je leur avançais, et tous les deux se sont mis à me considérer avec un air de grave béatitude. « Eh bien, ai-je dit, c'est terminé ?»« C'est terminé, » ont-ils répondu à l'unisson. « Cela s'est bien passé ?»« Très bien, » a dit Mademoiselle de Port-Rouet. « À merveille, » a ajouté M. Lobépin. Puis, après une pause, « Le Bévalant est au diable. » « Et la Genêloin sur la même route, » a repris Mademoiselle de Port-Rouet. J'ai poussé un cri de surprise. « Bon Dieu, qu'est-ce que tout cela ?»« Mon ami, » a dit M. Lobépin, l'union projetée présentait tous les avantages désirables, et elle aurait assuré, à n'en point douter, le bonheur commun des conjoints, si le mariage était une association purement commerciale. Mais il n'en est point ainsi. Mon devoir, lorsque mon concours a été réclamé dans cette circonstance intéressante, était donc de consulter le penchant des cœurs et la convenance des caractères, non moins que la proportion des fortunes. Or, j'ai cru observer dès l'abord que l'hymen qui se préparait avait l'inconvénient de ne plaire proprement à personne, ni à mon excellente amie Madame Larocque, ni à l'aimable fiancée, ni aux amis les plus éclairés de ces dames. À personne, enfin, si ce n'est peut-être au fiancé dont je me souciais très médiocrement. Il est vrai, je dois cette remarque à Mademoiselle de Port-Rouet, il est vrai, dis-je, que le fiancé est gentilhomme. Gentleman, s'il vous plaît, a interrompu Mademoiselle de Port-Rouet d'un accent sévère. Gentleman, a repris M. Lobépin, acceptant l'amendement. Mais c'est une espèce de gentleman qui ne me va pas. Ni à moi, a dit Mademoiselle de Port-Rouet. Ce sont des drôles de cette espèce, des palefreniers sans mœurs comme celui-ci que nous vîmes au siècle dernier, sous la conduite de M. le duc de Chartres d'alors, sortir des écuries anglaises pour préluder à la Révolution. Oh, s'il n'avait fait que préluder à la Révolution, dit sentencieusement M. Lobépin, on leur pardonnerait. « Je vous demande 1 million d'excuses, mon cher monsieur, mais parlez pour vous. Au reste, il ne s'agit pas de cela. Veuillez continuer. » « Donc, » a repris M. Lobépin, « voyant qu'on allait généralement à cette noce comme à un convoi mortuaire, je cherchais quelques moyens à la fois honorables et légaux, sinon de rendre à M. de Bévalant sa parole, du moins de l'engager à la reprendre. Le procédé était d'autant plus licite qu'en mon absence, M. de Bévalant avait abusé de l'inexpérience de mon excellente amie Mme Larocque et de la mollesse de mon confrère du bourg voisin pour se faire assurer des avantages exorbitants. Sans m'écarter de la lettre des conventions, je réussis à en modifier sensiblement l'esprit. Toutefois, l'honneur et la parole donnée m'imposaient des limites que je ne pus franchir. Le contrat, malgré tout, restait encore suffisamment avantageux pour qu'un homme doué de quelque hauteur d'âme et animé d'une véritable tendresse pour la future pût l'accepter avec confiance. Monsieur de Bévalant serait-il cet homme? Nous dûmes en courir la chance. Je vous avoue que je n'étais pas sans émotion lorsque j'ai commencé ce matin, en face d'un imposant auditoire, la lecture de cet acte irrévocable. Pour moi, a interrompu Mademoiselle de Port-Rouet, je n'avais plus une goutte de sang dans les veines. La première partie du contrat faisait même une part si belle à l'ennemi que j'ai cru tout perdu. Sans doute, mademoiselle, mais quand nous le disons entre augures, c'est dans la queue qu'est le venin, in cauda venenum. Il était plaisant, mon ami, de voir la mine de M. de Bévalent et celle de mon confrère de Rennes, qui l'assistait, lorsque je suis venu brusquement à démasquer mes batteries. Ils se sont d'abord regardés en silence, puis ils ont chuchoté entre eux, enfin ils se sont levés, et s'approchant de la table devant laquelle je siégeais, ils m'ont demandé à voix basse des explications. « Parlez haut, s'il vous plaît, messieurs, leur ai-je dit, il ne faut point de mystère ici, que voulez-vous ? » Le public commençait à prêter l'oreille. M. de Bévalent, sans hausser la voix, m'insinuait que ce contrat était une œuvre de méfiance. « Une œuvre de méfiance, monsieur ? » ai-je repris du ton le plus élevé de mon organe. « Que prétendez-vous dire par là ? Est-ce contre Mme Larocque, contre moi ou contre mon confrère ici présent que vous dirigez cette étrange imputation ?»« Chut ! Silence ! Point de bruit !» a dit alors le notaire de Rennes de l'accent le plus discret. « Mais voyons, il était convenu d'abord que le régime total serait écarté. »« Le régime total, monsieur ? Et où voyez-vous qu'il soit question ici du régime total ? Allons, mon confrère, vous savez bien que vous le rétablissez par un subterfuge. » Subterfuge, mon confrère, permettez-moi, comme à votre ancien, de vous engager à rayer ce mot de votre vocabulaire. Mais enfin, a murmuré M. de Bévalent, on me lie les mains de tous côtés, on me traite comme un petit garçon. Comment, monsieur ? Que faisons-nous donc ici à cette heure, selon vous ? Est-ce un contrat ou un testament ? Vous oubliez que Mme Larocque est vivante, que monsieur son père est vivant, que vous vous mariez, monsieur, que vous n'héritez pas. Pas encore, monsieur. Un peu de patience, que diable ! Sur ces mots, Mademoiselle Marguerite s'est levée. « En voilà assez, » a-t-elle dit. « Monsieur Lobépin, jetez ce contrat au feu. Ma mère, faites rendre à monsieur ses présents. » Puis elle est sortie d'un pas de reine outragé. Madame Larocque l'a suivie. En même temps, je lançais le contrat dans la cheminée. « Monsieur, » m'a dit alors Monsieur de Bévalent d'un ton menaçant, « il y a là une manœuvre dont j'aurai le secret. »« Monsieur, je vais vous le dire, » ai-je répondu. « Une jeune personne qui s'estime elle-même avec une juste fierté, » avait conçu la crainte que votre recherche ne s'adressât à sa fortune. Elle a voulu s'en assurer, elle n'en doute plus, j'ai l'honneur de vous saluer. Là-dessus, mon ami, je suis allé retrouver ces dames qui m'ont, ma foi, sauté au cou. Un quart d'heure après, M. de Bévalent quittait le château avec mon confrère de Rennes. Son départ et sa disgrâce ont eu pour effet inévitable de déchaîner contre lui toutes les langues des domestiques, et son imprudente intrigue avec Mademoiselle Éloin a bientôt éclaté. La jeune demoiselle, déjà suspecte à d'autres titres depuis quelque temps, a demandé son congé et on ne le lui a pas refusé. Il est inutile d'ajouter que ces dames lui assurent une existence honorable. Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que vous dites de tout cela ? Est-ce que vous souffrez davantage ? Vous êtes pâle comme un mort. La vérité est que ces nouvelles inattendues avaient soulevé en moi tant d'émotions à la fois heureuses et pénibles que je me sentais près de perdre connaissance. Monsieur Lobépin, qui doit repartir demain dès l'aurore, est revenu ce soir m'adresser ses adieux. Après quelques paroles embarrassées de part et d'autre, « Ah ça, mon cher enfant, je ne vous interroge pas sur ce qui se passe ici, mais si vous aviez besoin par hasard d'un confident et d'un conseiller, je vous demanderai la préférence. » Je ne pouvais en effet m'épancher dans un cœur plus ami, ni plus sûr. J'ai fait au digne vieillard un récit détaillé de toutes les circonstances qui ont marqué, depuis mon arrivée au château, mes relations particulières avec Mademoiselle Marguerite. Je lui ai même lu quelques pages de ce journal pour mieux lui préciser l'état de ses relations, et aussi l'état de mon âme. À part enfin le secret que j'avais découvert la veille dans les archives de M. Larocque, je ne lui ai rien caché. Quand j'eus terminé, M. Lobépin, dont le front était devenu très soucieux depuis un moment, a repris la parole. « Il est inutile de vous dissimuler, mon ami. Quand vous en voyons ici, je préméditais de vous unir avec Mademoiselle Larocque. Tout a réussi au gré de mes vœux. Vos deux cœurs, qui, selon moi, sont dignes l'un de l'autre, n'ont pu se rapprocher sans s'entendre. Mais ce bizarre événement, dont la tour d'Elven a été le théâtre romantique, me déconcerte tout à fait, je vous l'avoue. Que diantre ? Mon jeune ami, sauter par la fenêtre, au risque de vous casser le cou, c'était, permettez-moi de vous le dire, une démonstration très suffisante de votre désintéressement. Il était très superflu de joindre à cette démarche honorable et délicate le serment solennel de ne jamais épouser cette pauvre enfant, à moins d'éventualités qu'il est absolument impossible d'espérer. Je me vante d'être homme de ressources, mais je me reconnais entièrement incapable de vous donner 200 000 francs de rente ou de les ôter à Mademoiselle Larocque. Eh bien, monsieur, conseillez-moi. J'ai confiance en vous plus qu'en moi-même, car je sens que la mauvaise fortune, toujours exposée aux soupçons, a pu irriter chez moi jusqu'à l'excès les susceptibilités de l'honneur. Parlez. M'engagez-vous à oublier le serment indiscret mais solennel pourtant, qui en ce moment me sépare seul, je le crois, du bonheur que vous aviez rêvé pour votre fils d'adoption? Monsieur Lobépin s'est levé. Ses épais sourcils se sont abaissés sur ses yeux. Il a parcouru la chambre à grands pas pendant quelques minutes. Puis, s'arrêtant devant moi et me saisissant la main avec force, « Jeune homme, m'a-t-il dit, il est vrai, je vous aime comme mon enfant. Mais dû votre cœur se briser, et le mien avec le vôtre, je ne transigerai pas avec mes principes. Il vaut mieux outrepasser l'honneur que de rester en deçà. En matière de serment, tous ceux qui ne nous sont pas demandés sous la pointe du couteau ou de la bouche d'un pistolet, il ne faut pas les faire, ou il faut les tenir. Voilà mon avis. C'est aussi le mien. Je partirai demain avec vous. Non, Maxime. Demeurez encore quelque temps ici. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à Dieu, qui souffre rarement que nous périssions par nos vertus. Donnons un délai à la Providence. Je sais que je vous demande un grand effort de courage, mais je le réclame formellement de votre amitié. Si dans un mois, vous n'avez point reçu de mes nouvelles, eh bien, vous partirez. » Il m'a embrassé et m'a laissé la conscience tranquille, l'âme désolée.